Bon, toute l'équipe de Galaxy est avec nous ce soir pour faire un petit peu le décompte, hein, car 20h, grosse surprise forcément. On vous attend d'ailleurs très très nombreux justement, hein, pour cette hyper grosse surprise. Jérémy Olivier Cortis qui est là, aïe aïe aïe aïe aïe, les vieux de la vieille. Hubert, bien sûr, Jérémy, tous avec on nous. On est tous là, à l'heure et au rendez-vous. Voilà, exactement. On est tous ensemble pour vous faire partager. Alors attention, 19h59, il est 30 secondes. À 30 secondes, grosse surprise, on vous balance la sauce et on vous dit ce qui se passe juste après. Tous les techniciens de Galaxy se sont rassemblés pour justement supporter un petit peu la masse de gens qui va nous écouter. Ah, donc attention, 40. Alors, on va dire à partir de 15 secondes, on décompte. Yes. Prêt ? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top ! C'est parti ! Yes ! Vous vous en doutez, cette édition sera entièrement consacrée aux événements qui se passent. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes en forme, vous le savez. Si tout va bien jusqu'à la fin de cette émission. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Toi, t'es pas rapide, rapide. Ah, coco. Parodie. Tout ce qui est dit est redit. Puis re-redit. Puis re-re-redit. Et re-re-re-redit. Et si vous deviez partir sur une île peuplée de primitifs en emportant un seul objet avec vous, quel serait cet objet ? En Nouvelle-Calédonie. Mais c'est complètement étonnant, enfin. Parodie, une émission revue et corrigée par l'équipe des Giclées. On va leur péter la gueule ! Tout à fait, Thierry, tout à fait. Vous gagnez 10 000 francs, Marie-Antoinette. Allez, la 5. Si tu avais à choisir, est-ce que tu préférerais passer un week-end avec tous les New Kids ou alors être élu Miss Hockey ? Parodie, party ! Ça rend fou. Monsieur Paron d'Arvan n'a pas de parole. Du calme, les pisseuses. Marie-Thérèse, oui, c'est sacrée soirée au téléphone. Allô ? Marie-Thérèse, vous m'entendez ? Écoute. C'est... Oui. Et elle t'entendait, tu attendais un coup de fil, Pierre. Oui, c'est sacrée soirée au téléphone. Tu me cherches, là ? Lili. Ah ouais, c'est super rigolo. Oh bah là, super ! Ouais, d'accord, ouais, d'accord. Parodie, party ! Ça en fout. Parodie, bien sûr, hein, c'est l'émission par excellence, hein, c'est orchestré par toute la bande des vieux de la vieille de Galaxy. Mais on a la nouvelle génération qui est avec nous maintenant, hein, Jérémy, Hubert, Olivier Cortis de retour qui revient un petit peu sur ses traces. Tu me flattes, nouvelle génération, très sympa, franchement. Ah bah attends, mais c'est ça, hein, c'est la fraîcheur. Sinon, bon, on peut quand même annoncer la grande nouvelle parce que tout le monde l'attend. On a essayé de garder le secret un petit peu le plus longtemps possible. Jérémy, tu peux peut-être la dire, à toi l'honneur. Bah, c'est Galaxy sur Internet, déjà. Ah. Bah, écoute, c'est un faux secret puisque ça tournait déjà depuis une semaine sur internet, ça, l'adresse s'est changée. Alors c'est collé, ouais. Voilà, c'est live.galaxyfm.com. Vous allez dessus, vous cochez les petites cases, hein, comme il faut, si vous êtes pas trop connaisseur. Et puis on vous explique en fait la marche à suivre. On peut peut-être éventuellement dire. Bon, en fait, ça se passe sur trois logiciels. Le principe, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a choisi un principe de connexion libre et de partage de connexion, c'est-à-dire le que P2P, voilà, c'est ça. Voilà, peer-to-peer, voilà. Dès que tu écoutes la radio, tu partages une petite partie de ta bande passante pour les autres auditeurs. Et au plus il y a de monde, au plus la bande passante est fluide et au plus on nous écoute. Et en tout cas, il va falloir m'expliquer comment ça marche parce que j'ai absolument rien compris. Eh bien, c'est très simple. Il faut cliquer. Il faut cliquer. J'ai des coupures. Tu cliques et t'écoutes. Ça s'en va. Ah, ça dit quelque chose, ça. Bon, en fait, c'est simple. Vous allez sur internet, vous tapez www.live.galaxyfm.com. Une fois que vous avez fait ça, vous avez sur une page spécial et qui propose en fait différentes petites c'est une sorte de QCM en fait, hein, un petit QCM, hein, histoire de pas tester vos connaissances mais tout simplement vous annoncer qu'il faut partager au maximum la bande passante dans laquelle vous êtes dessus. Non, mais en tout cas j'ai bien compris le principe, hein, mais pour le faire alors là c'est autre chose. Il n'y a pas de souci, on a un gros dictionnaire qui explique tout ça. Et puis je suis à la recherche d'une personne justement pendant qu'on est là. Ouais. On va en profiter pour en parler. Je recherche Lily de Bourdin, si elle nous écoute. Ah oui. Il y a du répondeur. Non, lance-le pas tout de suite. Il y a du répondeur. Donc, tout à l'heure. Il y a du Lili de Bourdin. Si tu nous écoutes, s'il te plaît, appelle-nous. On a envie de rire encore un petit peu avec toi. Donc 03 20 83 57 57. Bien sûr, on attend ton coup de fil avec impatience. Voilà, la grande voix du répondeur, c'était Lili de Bourdin. On aura aussi l'occasion, jusqu'à 21h avant de retrouver Manu et Dan pour l'émission Deep Line, de vous passer du Boris. Également, pas mal de répondeurs Galaxy que Jérémy nous a concocté et toute l'équipe de Galaxy. Et puis, il y aura aussi pas mal de bêtisiers. Olivier Cortis sera là pour Hein, sois pas timide, hein. Non, mais je te signale quand même. Pour nous alimenter. Tu m'as mis derrière plein d'affiches, je te vois pas, je vois rien du tout. Non, mais moi, je. Dans un petit trou, là. Je... Écoute, c'est pour me masquer, en fait, ouais, tout simplement. Hein, on va faire ce masque de 2 euros. Voilà, là, c'est vrai, on va l'enlever. De toute façon, celle-là, elle sert à rien. C'est quoi? C'est la grille des programmes de Stéphane Laroche. Ouais, on peut l'enlever alors. On peut l'enlever alors. Ne sois pas médisant avec tes collègues. Non, je ne suis pas médisant. Bon, là, il y a du bon son. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bien sûr qu'on est chaud. Et au standard aussi, ils sont chauds. Ils n'ont pas arrêté d'appeler toute la journée. Oui, forcément, hein, c'est l'événement. On va d'ailleurs offrir des beaux cadeaux. Hein. T'as vu, il y a des trucs là. Merci Bibi. Merci Bibi. Ah, ben, et Guillaume, il paraît que Willy m'a laissé un cigare. C'est au téléphone tout à l'heure. Ah, ben écoute, on va regarder. Tout à l'heure, Radio Libre, Guillaume. Radio Libre tout à l'heure. À 23h. Voilà, c'est ça, exactement. 23h minuit. On sera tous ensemble pour vous prendre sur antenne directement, pour parler de la radio, pour parler de plein de choses aussi. Et puis, toujours, bien sûr, les bêtisiers qu'Olivier Curtis nous a majestueusement apportés. Heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Et c'est la Bible de Galaxy. C'est le Jean-Paul Lévy de Galaxy, en fait, on va dire. Absolument, hein, tout. Ça me rappelle une pub, d'ailleurs. Hein. Exactement. Sinon, vous nous appelez, bien sûr, pour le répondeur Galaxy 08 70 245 603. On vous rappelle le numéro de téléphone où vous pouvez laisser tous vos messages et les meilleurs seront diffusés tout au long de cette semaine avec un bon best-of qui va vous arriver d'ici quelques minutes. Voici tout de suite Gros Souvenir, Serious Beat Volume 11 avec Jensen Stephenson sur Galaxy. Oh, Galaxy avec un instant Club X, hein, c'était du gros gros tube, hein, ce titre là, c'était belle bien sûr. Hein. Est-ce qu'on a retrouvé Lily Dobourda? Elle est pas encore, à mon avis elle doit pas nous écouter. Même sur internet, elle peut toujours nous écouter sur internet. Non mais si ça tombe, elle est même plus dans la région. Mais c'est vrai que maintenant elle peut nous écouter partout dans le monde. Hein. Ah, exactement, on va passer derrière un petit jingle dans pas très très longtemps. Bon, on commence avec le premier répondeur de la soirée. Ouais. Allez, c'est parti. Juste pour dire que vous êtes la meilleure radio française. Réveillez-vous, déchaînez-vous, tous les jours c'est l'enfête avec Galaxy, c'est Lily Dobourdin, vous êtes sur une autre planète. Salut Galaxy, ça défend. Galaxy, ça tue, et s'il y a moyen que mon message passe, je tenais à dire un coucou des blagues à mon tragouille. Alors s'il y a moyen, je vous remercie. Allez, bonne tour, et hey, Galaxy, ça tue. Un coucou des glingues, hey, celui-là il était fort hein, quand même. On aura bien sûr d'autres messages à diffuser tout au long de cette soirée. Également un Boris dans quelques minutes. Les messages au répondeur, ne lâchez pas l'affaire. Donc le numéro tu peux le donner, parce que le comble de l'histoire, c'est que c'est moi qui ai fait le... Tu l'as pas oublié quand même. Mais j'ai oublié le numéro de téléphone. Moi je dis un gros ou pour Hubert. Coucou. Allez, 08 70 245 603. Ça c'est le numéro de téléphone du répondeur Galaxy. Vous pouvez nous appeler tout au long de cette semaine. Et puis tout le temps en fait hein, maintenant. Maintenant. Donc vous nous appelez. N'hésitez surtout pas. Les meilleurs messages seront diffusés cette semaine bien sûr. Olivier Curtis toujours en pleine forme. Toujours en pleine forme. Ah, il est là mais on n'entend pas trop. Bah, il faut qu'il se réacclimate. Ce soir, Olivier. Non, mais je t'entends pas. J'ai l'impression qu'il y a un problème de... Il y a un problème de... Casque. Non. On va te régler ça. Il y en a pas. Bah, voilà. En fait, Hubert va donner le casque du... Attention, on va changer casque en direct. Aïe, attention au fil. Ah ouais, effectivement. Ah, ça va mieux comme ça. Et là, Hubert, ça va? Bah effectivement, je préfère mon casque. Bon, n'hésitez surtout pas donc à nous rappeler au répondeur Galaxy 0870 245 603. Ça, c'est pour les messages du répondeur. Et d'ici quelques minutes, le premier Boris. Souvenez-vous, c'était avec Philippe Dont. On aura certainement l'occasion de l'avoir ce soir sur téléphone. La suite avec Blue Alphabet sur Galaxy. fête ses 25 ans cette année. Happy birthday. Avec un instant, le label Vodou Records. Écoutez bien ce qui suit, ça vous concerne. Le répondeur Galaxy, tu t'en souviens? Écoute. Écoute. Et ça c'est même en direct. Off en direct, hein, s'il te plaît, et avec des conditions. Et sans coucou. Et le coucou il est pas là, il est resté sur la toiture là-bas en Belgique. Je vais certainement les retrouver tout à l'heure. On va rappeler l'information essentielle de la soirée, bien sûr, depuis 20h. Vous pouvez écouter Galaxy sur le net. Donc si vous êtes, si vous avez chez vous un petit PC ou un portable ou tout ce que vous voulez, avec une connexion, avec une connexion internet, bien sûr, il faut le rappeler. Vous pouvez nous écouter sur l'adresse suivante www.live.galaxyfm.com. Est-ce qu'ils sont obligés de faire les 3W? Non. Pas en général, c'est directement live.galaxyfm.com. Je vois que nous avons un connaisseur. Je découvre. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Je viens de recevoir un message de DJ HS, il comprend rien du tout comment on fait pour se connecter. Ah bah il est pire que moi lui alors. Hervé vient ici. Hervé, ramène ta pomme. Bon, Jérémy, on peut peut-être détailler un peu plus plus aussi le système de Peercast, etc. Histoire de partager en fait sa connexion tout simplement. Si tu veux. Donc en fait, on utilise. Vous verrez, il y a trois types de logiciels qui sont tous les trois des logiciels gratuits. Il suffit simplement, l'étape préliminaire, c'est d'installer un tout petit logiciel juste avant de recevoir Galaxy sur Internet. C'est quoi un logiciel ? Un logiciel, c'est un petit programme qui te permet d'exécuter certaines trucs. J'ai poussé le bouchon ambitieux. Très loin. Et donc vous installez ces trois petits programmes. Ensuite, vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Vous cliquez. Donc il y a le choix entre Freecast, Peer-to-Peer et Peercast. Moi, je vous conseille. Hein, je sais pas toi, Guillaume, Peer-to-Peer Radio. P2P Radio. Ouais. Ouais, yeah, c'est le meilleur. Essayez d'être un maximum dessus. Radio. Donc vous cliquez sur l'icône Peer-to-Peer Radio. Ça vous lance une petite application. Vous laissez tourner. Vous attendez une quinzaine de secondes et normalement vous devriez vous connecter directement sur Galaxy. Est-ce que par la suite on va enfin avoir une connexion qui sera quand même un peu plus simple? Au plus il y a de monde qui écoute, au plus ce sera fluide. Donc soyez nombreux à l'écouter, à vous connecter sur l'adresse, et au plus il y a de monde, au plus ce sera fluide. Donc la fréquence c'est 95-30, c'est ça? Sur Internet, ça risque d'être difficile. Dans live.galaxyfm.com, ça c'est le site pour écouter sur Internet, et il y a aussi le site officiel de Galaxy. Bien sûr. La nouvelle version avec la montée en charge cette semaine. Le site vient de démarrer. On va enrichir le contenu tout au long de la semaine avec des interviews de DJ. Il y aura du contenu, la nouvelle grille des programmes, plein de liens, des infos soirées. Bref, c'est un site qui va cartonner. Il y aura de la photo, il sera interactif. Vous pourrez aussi cliquer directement sur le. Olivier Cartis, on ne rigole pas. Non, je t'ai vu. Coup, je suis commercial. Moi, je reprends le bon micro parce que j'ai l'impression de me faire couillonner. C'est ouais, mieux comme ça. C'est pour les pop. Ouais, là c'est nickel comme On va se le partager, je pense. On va faire un petit pop avec. Et qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Ah bah celui-là on peut le jeter, on peut le donner à... Non, on va le garder. On va le garder. À qui? Ah, non, je ne dis rien. Pourtant on avait fait une distribution équitable. On avait dit t'as le bon casque, t'as le micro pourri. Non, et moi je veux le bon casque et le micro qui va avec, sinon c'est pas la peine. Eh Hubert, tu veux que je te donne le mien, regarde. Ah bah attends, j'arrive. Et écoute, tu peux venir ici à la technique si tu veux. J'arrive. Excellent. Allez, tout de suite on va se faire plaisir. Un petit best of de Boris sur Galaxy. Boris. Il va tout déchirer. Voici le best of Boris. A beginning is a very delicate time. Know then that it is the year 10,191. The known universe is ruled by the Padishah Emperor Shaddam IV, my father. In this time, the most precious substance in the universe is the spice melange. The spice extends life. The spice expands consciousness. The spice is vital to space travel. The Spacing Guild and its navigators, who the spice has mutated over 4,000 years, use the orange spice gas, which gives them the ability to fold space. That is, travel to any part of the universe without moving. Oh yes, I forgot to tell you. The spice exists on only one planet in the entire universe. A desolate, dry planet with vast deserts. Hidden away within the rocks of these deserts are a people known as the Fremen, who have long held a prophecy that a man would come, a Messiah, who would lead them to true freedom. The planet is Arrakis, also known as Dune. Boris, on Galaxy. Boris ne comprend rien. Il a l'impression qu'il y a des guêpes métalliques qui tournent autour de lui. Deuxième explosion. Boris est dans sa cuisine et il essaye un nouveau son. C'est le son de son nouvel achat. Une cafetière à bière. La trame d'un visage. Boris, quand il sera plus grand, il sera cosmonaute. Boris est en train de tourner un film dans son garage. C'est la danse des gros. Il y a le soleil qui brille dans le ciel immobile. 300 points de bonus, Boris. Bravo. Boris, le grand voyageur. Boris, on Galaxy. Les plus belles aventures de Boris. The Best of Boris, volume 1, 2 et 3. Je voudrais que cette émission fût d'application affective immédiate. Elle contiendra souvent la part du rêve, voire de l'utopie. Une nouvelle psychologie, faite pour de nouveaux hommes. Des hommes comme Boris. Des Boris, il en existe beaucoup, jeunes ou non, qui forment des îlots un peu partout dans le monde. Chaque soir, Boris reviendra, sans cesse, comme un leitmotiv ou un coup de gong, rappelant et célébrant à la fois la nostalgie des hommes qui recherchent sans trêve, au-delà des apparences, l'appartenance foncière qui les habite. Un homme dans une gare. On est dans le hall de gare. Un homme entre. Une femme à ses côtés. Grande, blonde, et qui a une valise dans la main. La main droite. Il lui fait fouet. Alors qu'un deuxième homme arrive. Une femme à ses côtés également. Elle tient une valise dans la main. La main droite, il lui fait pouette. Un troisième arrive, il est grand, blond, élancé, mal rasé, viril. Une femme à ses côtés, petite, brune. Elle tient une valise dans la main droite. Et le chef de gare, toujours là. Cinquième homme arrive. Sixième. Septième. Une femme à leur côté. Une valise dans la main. Main droite. Ils font pouette. Un huitième homme arrive dans cette gare, le hall de gare, qui se remplit petit à petit, qui était désert tout à l'heure. Il arrive avec une femme à ses côtés. Une grande blonde également. Elle tient une valise dans la main droite. Il lui fait pouette. Et le chef de gare qui commence à foutre en rogne. Il voit un onzième homme arriver avec une grande blonde. Une valise dans la main. Droite. Et le dixième homme lui fait pouette. Ils sont nombreux, très nombreux. Ils pensent pas vraiment à s'amuser. Ils savent qu'ils sont là dans la gare, à l'intérieur de la gare, qui est très froide ce soir. Ils s'en foutent, ils ont une valise. Dans la main. Droite. Et ils continuent à faire pouette. Femme qui les accompagne. Grande blonde, splendide créature, créature de photo. Les mecs sont beaux aussi, très beaux, très mal. Alors les mecs commencent à se réunir dans le hall de gare. Les femmes sont sur les côtés avec la valise. Un cercle dans la gare, intérieur de la gare, intérieur du hall qui est très froid, et tous les mecs se tiennent par la main. Insensibles. Ils tiennent quand même par la main. C'est un énorme cercle dans le hall de gare. C'est le cercle des poètes disparus. Un grand moment. Pendant ce temps-là, dans le hall de gare, les femmes regardent la télévision. Et c'est la chance aux chansons. L'émission préférée des grandes blondes, avec des valises. We'll be right back. 25 ans cette année. Instant, Rui da Silva, c'est le petit cousin de Jérémy, c'est ça hein? Exactement. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'était sa belle Kismet Records. Allez, le premier jeu ce soir pour vous, c'est un quadruple CD avec la compilation Megatechno numéro 13, 4 CD qui regroupe 4 fois 20 titres, donc ce qui fait... Oh là là, 80 bien sûr. Ah, c'était la petite surprise. Pour vous, 03 20 83 57 57. Le premier cadeau entre 20h et 21h, c'est pour vous. Vous nous appelez et vous arrivez combien on va dire? Ah ça c'était Jérôme B, hein. Alors, j'arrive, il fait pas trop de bruit, mais il était tout affolé au standard. On va aussi reparler du fameux concours dont on a eu l'occasion de parler tout à l'heure. Ouais. Les 25 ans de la radio donc qu'on fête actuellement. Bien sûr. Et on avait dit qu'on ferait gagner tous les soirs une personne qui fêtait ses 25 ans dans le courant de la semaine, on va dire. Voilà. D'accord, ouais, exact. On va peut-être en reparler un petit peu parce que... On va en reparler, hein, le téléphone il sonne déjà. C'est pas le moment. Voilà, on va en parler okay. Juste après. On prend en tout cas la 20e personne 03 20 83 57 57 pour la compilation Megatechno qui aura le plaisir de passer avec nous sur antenne. C'est pas un beau cadeau ça quand même? On l'attend de pied ferme. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. A tout de suite. avec un instant Pacha, souvenir, c'était ambiance La Villa. Ah là là là là. C'est toujours le Uber. Chaud hein, le Uber quand même. Il est chaud. Oui. Chaud comme la braise. Bon, n'appelez plus pour le jeu. Chaud, hein. Il était remporté par Thierry que nous accueillons directement à l'antenne. De... Qui nous appelle de où? De la Selle. Allô, allô. Oui, bonjour. Ouais, salut Thierry, tu nous appelles d'où? De la Selle. La Selle, oui. Ouais, près de chez moi. C'est pas trop. À côté de chez Michael H. Exact, exact. Tu nous écoutes, sur la fréquence 95-30 ou sur le net? Sur 95-30. Tu sais que tu peux nous écouter sur le net aussi maintenant. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure. Et donc, Thierry, tu nous appelles de Lincelles, tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Bah, je fais des études en optique. Des études en? En optique. En optique. Parle un peu plus fort, s'il te plaît, Thierry. Oui, on a compris, des études en optique. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Et donc, tu as remporté la compile... La compilation, Megatechno, volume 13. Megatechno, volume 13, donc il faudra venir récupérer à la radio, je suppose. Bien sûr. Voilà. Comme d'habitude, tu auras le plaisir de voir directement... Est-ce que tu sais où ça se trouve? Non, bah, je sais pas où ça se trouve, non. Donc, ah, sur Waterloo, centre-ville, et puis tu demandes les studios de la radio, t'inquiète pas, on va te donner la direction. Bien sûr, okay, exactement. Thierry, dis, tu vas nous écouter quand même sur Galaxy, j'imagine que tu captes bien sur Lincelles, mais bon, tu peux toujours aussi tester Galaxy sur le net, non? Bah ouais, y a pas de problème, j'écoute toujours. Bien, intérêt. Eh ben écoute, on te souhaite plein de bonnes choses à l'écoute de la radio. Ça va, ça te fait plaisir cette semaine anniversaire. Et puis, ouais, ouais, ça fait plaisir. Et puis tu peux appeler le... la vieille techno, donc. Ah bah c'est bien. Est-ce que ça te ferait plaisir de sortir en discothèque pour le week-end prochain, gratos, grâce à Galax? Ah bah ouais, pas de problème. Et tu sors où en général? Bah le Captain. Le Captain. Ouais. Excellent. Eh ben écoute, pour vendredi soir, ça te va? Okay, on te donne l'entrée gratuite au Captain à condition que tu nous laisses un message délirant sur le répondeur. Et pour le numéro, bien. Eh ben Hubert va nous le dire tout de suite. Charger, moi, c'est vraiment pas possible. Je ne me souviens plus du numéro. Tu sais que moi, je l'ai donné une seule fois, voire deux fois au maximum. Ouais. Et puis, toi, tu le donnes tous les jours, par contre. Tous les jours. Peut-être que Thierry doit le savoir, le numéro. Attends, on va demander à Thierry. Ah bah, quel est le numéro? Normalement, on va demander à Thierry pour savoir s'il le sait. Thierry, est-ce que tu connais le numéro du téléphone de répondeur Galaxy? Ça devait être 0870-635-603. Voilà. 0870-245-603. Tu laisses ton message et là, on te file une entrée gratos pour le Captain. Ok, bah c'est gentil. Ça roule? Eh ben, on attend ton appel, hein, puis on te met après sur les yeux, Captain, dès qu'on a ton message. Ok, merci beaucoup. À bientôt, Thierry. Salut. Salut, ouais, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, la suite de la musique, c'est avec Get Decor, Passion. Hubert, une petite chose à dire pour le final. Je vais te piquer le micro que tu as. Et il est beau, mon micro. Hein, il fonctionne bien surtout. Ah, il fonctionne très très bien. Et la musique aussi d'ailleurs. Get Decor, Passion. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti sur Galaxy.

Galaxy avec un instant 37 heures, extrait de la compilation La Roca, c'était le volume numéro 3.